FrenchPod.com. Je suis triste. Je ne peux plus écouter FrenchPod. Parce que ton ordinateur est en panne ? Oui, c'est affreux. Tu peux l'écouter sur ton lecteur MP3, non ? Je l'ai perdu il y a une semaine. Ce n'est pas grave. J'ai mon iPod. On peut écouter FrenchPod ensemble.